Chapitre 23e. Julien avait complètement oublié que, sur son invitation, son ami M. de Villeberg devait l'attendre au café du cours. Il se rendit en toute hâte auprès de Mélanie. La pauvre jeune fille était bien impatiente. Depuis 3 jours, elle n'avait pas vu son ami. Depuis 3 jours, elle n'était pas sortie de sa chambre, une chambre d'hôtel, toujours triste, d'une tristesse morne quand on y attend un être aimé. Pendant son séjour à Marseille, Julien lui avait écrit matin et soir. Avec beaucoup d'esprit et d'enjouement, il lui avait raconté son déguisement, son apprentissage de colporteur. Ses lettres, Mélanie les lisait et les relisait sans cesse. Malgré ses préoccupations et ses craintes, elle souriait à la pensée de revoir le jeune élégant dans son costume vulgaire. Elle se le représentait toujours distingué, quoi qu'il fît. Mais c'était de fugitives pensées. La réalité s'imposait bien vite avec les complications possibles d'une situation tendue outre mesure. Le matin, Mélanie avait reçu une dépêche télégraphique expédiée par Julien au moment de son départ de Marseille. Elle savait ce qu'il allait tenter. Minute par minute, elle l'avait suivi. De Marseille à Aix, un indicateur à la main. De la gare d'Aix à la maison de sa mère, avec le pressentiment et la double vue que donne la passion. Et maintenant, elle était frémissante d'impatience. Tous les bruits de l'hôtel la faisaient tressaillir. Dès que Julien eut fait 2 pas dans le couloir conduisant à sa chambre, elle se précipita à sa rencontre et se jeta à son cou. Ce voyage de Marseille avait été leur première séparation de quelque durée, depuis 10 mois. Mélanie avait été si inquiète, si tourmentée, elle avait si bien compris que sa vie était indissolublement attachée à la vie de Julien. On aura pu la voir? Et que lui importait vraiment qu'on la vît. Elle aimait, elle retrouvait son ami, son sauveur, et elle était heureuse. Julien avait eu le temps de recueillir ses idées et d'apaiser ses émotions. Il ramena Mélanie dans sa chambre et se prêta à cet adorable cliquetis de questions, d'observations, d'interjections, de rires, de regards, de serrements de main qui marquent les retours heureux. Mélanie l'admirait dans son costume. Elle se fit redire ce que Julien lui avait écrit. Sans qu'elle en eût positivement conscience, elle retarda le plus possible le récit de l'entrevue redoutable. Il fallut y arriver, cependant. Alors sa joie s'évanouit et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. Si bien que Julien atténua la conduite et les paroles de Madame Ripert, Mélanie se rendait compte de l'insuccès de la démarche tentée par son amie et elle en ressentait un grand chagrin. Julien la consolait et s'efforçait de lui faire comprendre qu'ils avaient conquis l'un et l'autre leur liberté d'action. Mais il n'était pas, il ne pouvait pas être persuasif, n'étant pas convaincu lui-même que Madame Ripert ne tenterait rien contre lui. En cela, il avait 1000 fois raison. À peine Julien s'était-il éloigné, que Madame Ripert décommanda son déjeuner, et sans prendre le temps de combiner une toilette de ville, sortit de chez elle après avoir fermé son salon, dans lequel elle porta la caisse de colporteur et les foulards. Monsieur de Villeberg la vit passer devant le café du cours. Il eut le pressentiment de quelque malheur ou de quelque infamie. Toutes les armes sont bonnes avec une femme qu'on sait capable de tout. Il n'hésita pas à la suivre. Madame Ripert alla directement au palais de justice, d'où elle sortit presque aussitôt pour se diriger vers le domicile particulier du procureur de la République, à quelques pas seulement du palais, place des Prêcheurs. S'étant mis en observation, M. de Villeberg vit le magistrat et Mme Ripert retourner ensemble vers le palais de justice. Julien était menacé, cela n'était point douteux. Sans plus attendre, ce qui ne l'eût point servi, M. de Villeberg se rendit à l'hôtel et fit prévenir son ami. Par discrétion, il n'avait pas demandé à être présenté à Mélanie, dont il était censé ignorer la présence. Julien n'avait pas quitté la jeune fille. Ce fut Miette qui lui apporta la carte de M. de Villeberg. « Ah, le pauvre garçon » s'écria-t-il, « je l'avais oublié. Priez-le de m'attendre un instant. » Alors seulement, il s'aperçut que son travestissement était ridicule. Il s'empressa d'aller dans son appartement changer de costume. Quand il descendit, il fut très étonné de l'inquiétude manifeste de son camarade. « Je te demande pardon, » dit-il. « Bien, bien, cela n'est rien. Bien, les murs d'hôtel ont des oreilles. »« Que lugubre, qu'y a-t-il donc ?» Ils sortirent. M. de Villeberg scrutait les moindres recoins de la rue, bien déserte cependant. « Raconte-moi ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, » dit-il enfin, quand ils furent sur le cours du roi René, loin de tout curieux. « Mon cher ami, tu me fais cruellement expier mon oubli. Mais parle donc, malheureux, le temps presse. Je suis trop ton ami pour te garder rancune. Ne vois-tu pas que je suis sur des charbons ardents? Un danger te menace. Lequel? Je n'en sais rien. Je te le dirai après avoir entendu ta confession. » Julien fit le récit rapide, mais exact et complet, de son entrevue avec Madame Ripert et de son colloque avec M. Préval. « Ah, nous y voilà !» gronda M. de Wilberg. « Il en est peut-être temps encore. Va-t'en, quitte Aix, quitte la France. Madame Ripert, j'en suis sûr, t'accuse d'avoir assassiné Préval. Tu es fou !»« Jamais je n'étais plus raisonnable. En t'attendant au café, je l'ai vu passer, je l'ai suivi, elle est allée au palais de justice, de là, chez le procureur de la République. Ils sont maintenant au palais. Tu ne sais pas combien cette femme est habile. » Cette accusation n'a pas le sens commun. On ne tue pas un homme qui finit de mourir, même quand on le hait, à plus forte raison quand il vous est complètement indifférent. C'est ce que doit lui dire le procureur, magistrat d'un grand sens et qui d'ailleurs n'est pas assez de ses amis pour la croire sur parole. Tu vois bien. Mais elle sera affirmative, pressante, elle réclamera l'autopsie du cadavre, et Dieu sait ce qu'un scalpel intelligent peut faire découvrir. C'est absurde, te dis-je, et quand cela serait, quand même, je serais appelé devant un juge d'instruction. Est-ce que cette accusation pourrait tenir debout 5 minutes? Fuir, ce serait s'avouer coupable. Quoi qu'il doive arriver, je reste. Malheureux, mais tout accuse, ce déguisement. On t'a vu entrer à l'hôtel, tes foulards, où sont-ils? Je les ai laissés dans le jardin. Pièce de conviction. C'est absurde. Rien n'est absurde en matière criminelle. C'est un criminaliste qui a dit « Si on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je m'empresserais de fuir. » Il ne faut pas voir dans ce mot une satire contre la magistrature, non. Les magistrats, en France surtout, sont circonspects et ménagers de l'honneur et de la liberté des justiciables, mais ils sont hommes, et le jeu des passions violentes leur réserve toujours des monstruosités imprévues, de même que la politique ne se fait pas avec des principes immuables, mais avec des hommes qui les appliquent, de même la justice ne se rend pas avec des lois abstraites, mais avec des hommes qui les interprètent en appréciant les actions d'autres hommes. Le procureur de la République, en présence des présomptions que Madame Ripert grossira traîtreusement, ne peut s'empêcher d'ordonner l'autopsie. Et si l'autopsie montre quelques lésions, qui te garantit au surplus que cette femme, très influente, tu le sais, au mieux avec les représentants les plus autorisés de toutes les classes de la société, qui te garantit qu'elle ne passionnera pas l'opinion publique? Tu serais acquitté, je le veux bien. Mais tu n'en aurais pas moins subi plusieurs mois de prison préventive, si la caution que tu offrirais et que je suis prêt à fournir n'était pas acceptée. Dans tous les cas, un procès criminel? Non, non, je ne partirai pas. Je suis engagé dans une lutte sans merci, soit. J'aurai du moins acquis des droits que personne ne pourra contester à devenir le protecteur officiel et le mari de Mademoiselle Ripert. On saura ce qu'est la mère et ce que vaut la fille. Monsieur de Wilberg tendit la main à son ami et étreignit vigoureusement la sienne. « À la grâce de Dieu, dit-il, ta résolution est d'un homme de cœur. Quoi qu'il arrive, compte sur moi. Merci. » Julien rentra à l'hôtel et à tout événement, mis au courant de la situation Mélanie, qui était assez courageuse et vaillante pour tout savoir, pour soutenir l'énergie d'un homme et ne point s'abandonner au désespoir, ce que font la plupart des femmes. Rien ne s'était produit ostensiblement à l'hôtel, rien qui pût inquiéter Julien, mais déjà il était en surveillance par ordre du parquet. Madame Ripert était parvenue à son but dans les circonstances que M. de Wilberg avait pressenties. À l'énoncé d'un crime, le procureur de la République avait prié Madame Ripert de l'accompagner au palais de justice où il serait mieux placé pour agir. Il se récria tout d'abord. Comme c'était son devoir, il écouta le récit de la plaignante. Mais comme c'était son droit et son devoir aussi, il lui fit les objections que soulevait sa dénonciation, car c'en était une. Il discuta toutes les hypothèses. Sa conclusion était toujours négative. « Je veux bien croire, dit-il en terminant, qu'il y ait eu une scène violente entre ces deux hommes, à la grande rigueur qu'il y a eu rixe, et que M. Préval, dont l'état était désespéré, tout le monde le sait, a succombé. Mais de là à un crime, il y a loin. Vous-même ne m'apportez que des présomptions et non des preuves. Or, l'entrevue de ces messieurs n'a pas eu de témoin. Et je ne puis croire que M. de Mulsey se soit porté à des voies de fête sur un moribond. C'est ce que peut seul démontrer l'autopsie du cadavre, dit Mme Ripper, avec un calme qui ressemblait fort à du cynisme. Le procureur de la République en fut abasourdi. Je vois, madame, que vous êtes une véritable criminaliste. Dès lors, j'ai à peine besoin de vous avertir que si vous voulez donner à cette affaire une suite judiciaire, il faut que vous signiez vos déclarations. Je le sais, monsieur. Je sais aussi que la loi vous oblige à la constatation des faits et à la vérification des lieux. Permettez, madame, je connais mes devoirs. Et souffrez que j'insiste de nouveau sur le caractère étrange de cette affaire. Monsieur de Mulsey n'est pas un malfaiteur. Quel intérêt avait-il à précipiter la mort imminente de Monsieur Préval? Si peu que je m'occupe de ce qui n'est pas dans mes attributions, j'en sais assez sur son compte pour être certain qu'en allant à vous, même sous un déguisement, il avait affaire à vous seul et avec des intentions fort honorables. Un différend de famille qu'il s'est donné mission d'arranger l'a amené à Aix, mission que l'on entoure d'aventures romanesques, d'autres disent chevaleresques. Ne craignez-vous pas pour mademoiselle votre fille? Un crime a été commis, monsieur. Toute autre considération disparaît, doit disparaître devant l'intérêt supérieur de la justice. Madame Ripper se servit de sa voix la plus hautaine pour lancer cette phrase qui, dans sa pensée, était une leçon donnée au magistrat. Le procureur de la République n'était pas homme à se laisser manquer de respect. « Fort bien, » dit-il sèchement. « La justice reprend ses droits. Je vais convoquer le juge d'instruction. » « Mais ne pourriez-vous agir directement ?» Le procureur s'inclina et très gravement. « L'article 46 du Code d'instruction criminelle m'autorise en effet à agir directement dans le cas spécial dont il s'agit, bien qu'il n'y ait pas flagrant délit. Mais un procureur de la République est toujours libre de s'adjoindre à un juge d'instruction. Veuillez écrire votre dénonciation. » Madame Ripper n'était pas habituée à ce qu'on lui tînt tête. « Ce procureur se moquerait-il de moi ? » pensait-elle. Malheur à lui. Si courroucée qu'elle fût, elle n'obéit pas moins. D'une main fiévreuse, elle écrivit, data et signa le récit qu'elle avait naturellement combiné à sa convenance, ne relatant que ce qui pouvait donner un corps à l'accusation. Pendant ce temps, le procureur de la République avait expédié des ordres pour que le juge d'instruction et le médecin ordinairement chargé des expertises légales fussent convoqués d'urgence. Comme après tout rien n'est impossible, il avait aussi ordonné la mise en surveillance occulte de M. de Mulsey, ce qui était extrêmement facile, celui-ci habitant un hôtel meublé. Le juge d'instruction et le médecin ne se firent pas attendre. Le procureur de la République, sans autre préambule ni explication, lut la dénonciation rédigée par Mme Ripper. Tous les deux se regardaient étonnés. Mme Ripper se sentit quelque peu décontenancée par leur attitude pleine de réserve, celle du médecin surtout, lequel était de ses amis. Autant il avait été empressé de la saluer à son arrivée, autant il manifestait par son silence la pénible impression qu'il ressentait. Elle s'était attendue à des compliments de condoléance, si ce n'est à des protestations de dévouement. « Je suis à vos ordres, messieurs, » dit enfin le médecin expert. « Mais ne vous paraît-il pas prudent que nous allions à la maison du cours des minimes séparément ? Si Mme Ripper veut bien me le permettre, je lui offrirai mon bras et nous irons vous attendre. » Ce mode de procédé fut adopté. En route, le médecin demanda des explications complémentaires. Madame Ripper ne voulait rien ajouter à son récit officiel. Toutes les observations qu'on lui soumettait l'irritaient et blessaient son orgueil. Pour la première fois, cette femme rencontrait des obstacles et une opposition. Son incommensurable vanité était à une rude épreuve. À chaque nouvelle contradiction, elle s'affermissait dans ses projets de vengeance contre Julien. Cette femme n'avait jamais compris, ne comprenait pas, ne comprendrait jamais qu'il est une force plus respectable, plus respectée, plus imposante que l'habileté, et que cette force s'appelle l'honnêteté. Pour elle, le succès justifiait et amnestiait tout, la calomnie, le mensonge, la dénonciation, le guet-apens, la vengeance, plus que tout. Pourvu que l'autopsie fît découvrir une lésion au cœur du cadavre de M. Préval, elle était certaine de vaincre la répulsion des magistrats, et cette lésion apparaîtrait. Mme Ripper avait en physiologie et en médecine des notions aussi précises qu'en législation. Elle était si convaincue de l'existence de cette lésion qu'elle jugea inutile d'exercer ses facultés fascinatrices sur le médecin. Elle poussa même le scrupule apparent jusqu'à attendre le procureur de la République et le juge d'instruction avant de pénétrer dans le salon où gisait le cadavre de M. Préval. Les magistrats les suivaient d'ailleurs de très près. Ils s'étaient fait assister par un greffier. Procès-verbal minutieux fut dressé. La boîte du colporteur et les foulards furent saisis, et le cadavre fut mis à la disposition du médecin, qui le fit transporter à la salle de dissection de l'Hôtel-Dieu. M. Préval n'avait pas de parents connus. Depuis 6 mois, il était soigné par Mme Ripert, à qui cet acte était compté comme une méritoire charité. Tel ne fut pas le sentiment des magistrats et du médecin expert, qui constatèrent son absolue insensibilité. Mme Ripert n'avait pas l'hypocrisie continue, persévérante, attentive de tous les jours, de tous les instants. C'était son côté faible. La perfection n'est pas de ce monde, même dans la perversité. Mais était-elle vraiment perverse, cette femme? N'était-elle pas plutôt emportée par ses passions violentes et jamais assouvies? Malgré sa grande et belle intelligence, n'était-elle pas inconsciente? Les physiologistes lui accorderaient certainement des trésors d'indulgence, car ils auraient le pressentiment que, fatale aux autres, son ardeur de tempérament lui serait fatale à elle-même, le jour où elle subirait une défaite grave. Elle était prédisposée à la folie hystérique, dans le sens médico-légal de ces mots. Pour le moment, Mme Ripert ne doutait pas du succès. Un imprudent s'était placé sur sa route triomphale et voulait lui faire échec. Elle le brisait. Cela lui paraissait tout naturel. Elle n'imaginait pas que d'autres pouvaient avoir des scrupules. Elle attendit le soir sans impatience, certaine d'avoir nombreuses compagnies. Bien que l'événement dramatique, dans lequel messieurs Préval et de Musset étaient mêlés, ne fût pas connu dans ses détails, des bruits avaient couru en ville, rumeurs vagues produites par la descente de justice. La prospérité de la maison de commerce était trop solidement établie dans l'opinion publique pour qu'on pût croire à un sinistre. Qu'était-ce donc? La curiosité était surexcitée. Les amis à tous les degrés de Mme Ripert supputaient ce qui pourrait résulter d'avantageux, chacun pour soi, dans cette affaire. Ils se rendirent en nombre à la maison du cours des Minimes, dont les salons s'ouvraient tous les soirs. Mme Ripert ne se fit pas prier pour raconter la dramatique aventure. Elle n'éprouva nul embarras à mettre en présence son amant d'autrefois et son malade. Elle eut des paroles émues pour le malheureux Préval, dont elle eût voulu fermer les yeux, ayant adouci ses derniers jours. Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle se garda bien de dire, c'est qu'il y avait un élément inaperçu du drame, sa fille. Elle ne parlait jamais de Mélanie, qui l'eût par trop vieillie. Tous les habitués de sa maison imitaient sa discrétion et respectaient son silence. La plupart n'avaient aucun mérite à cela. Ils ignoraient que Mme Ripert eût une fille. À peine savaient-ils qu'elle avait un fils. On disserta longuement sur les insondables mystères de la passion. De jeunes avocats étaient surtout attentifs à recueillir les moindres indices et empressés à demander des renseignements. Mme Ripert leur répondait sans affectation de prévenance, mais de manière à ce qu'ils présentassent cette affaire sous un jour favorable. Ces jeunes gens étaient les correspondants à titre gracieux des journaux importants de la contrée. Dans toutes les villes, l'amour du clocher excite les bonnes volontés, surtout quand la presse locale a peu de rayonnement, comme à Aix. En province, plus encore qu'à Paris, la presse est un moyen d'action et l'on en use. Sans s'en douter, les journaux servent souvent ou les intérêts ou les passions de leurs correspondants volontaires. Dans cette circonstance, ils allaient peser d'un grand poids sur la marche de la justice. Mme Ripert le croyait, du moins. L'impression produite par la dénonciation, le récit, la vérification des lieux sur l'esprit du procureur de la République et du juge d'instruction n'avait pas été bonne pour Mme Ripert. Leur sympathie était acquise à M. de Musset. Leur bon sens se refusait à admettre qu'il y eût crime et repoussait l'accusation formulée. Leur opinion ne fut pas modifiée par le rapport médico-légal. L'autopsie du cadavre de M. Préval avait révélé un état de délabrement excessif. La phtisie avait entièrement dévoré les poumons. À ce degré, la mort était un dénouement naturel, inutile à provoquer et que la maladie seule suffisait à expliquer. Cependant, le médecin expert, consciencieux avant tout, avait noté une rupture de l'aorte. Après avoir minutieusement décrit la lésion, il disait « La rupture de l'aorte est très rare et ne se produit que lorsque les tissus ont été détériorés par une affection purulente et qu'une commotion ou morale ou matérielle a précipité la mort. Quelle a été la cause déterminante de la mort de M. Préval? Il est impossible de la préciser. Ce que nous devons constater, c'est que le cadavre ne porte aucune marque extérieure de coup, ni au cœur, ni sur toute autre partie du corps. » Le médecin expert ne concluait donc pas d'une manière catégorique, mais de l'ensemble de son rapport, il résultait que pour lui, la mort de M. Préval était naturelle. C'était la conviction des magistrats. Qu'allait-il faire? Arrêter Julien? Il n'y pensait pas. Une arrestation est un acte trop grave par ses conséquences pour qu'il y soit procédé à la légère. Le procureur de la République et le juge d'instruction cherchaient le moyen de concilier les prescriptions de la loi avec la presque certitude où ils étaient de l'innocence de M. de Mulsey. Les juges d'instruction ont les pouvoirs les plus étendus, si étendus que, on peut le dire, ces pouvoirs sont exorbitants. Les magistrats sont irresponsables. Leurs décisions et leurs actes sont inattaquables par les parties en cause, au cours de l'instruction comme après. Sur la dénonciation de Mme Ripert, Julien pouvait être arrêté, mis au secret, confronté avec le cadavre, soumis à des interrogatoires multipliés. Des visites domiciliaires pouvaient être dirigées dans la chambre qu'il occupait à l'hôtel, ses papiers saisis. Mélanie pouvait être compromise, arrêtée peut-être comme complice. Julien pouvait rester 3 mois en prison, plus longtemps encore, avant de comparaître devant la cour d'assises, et rien ne le garantissait contre une condamnation, ni lui, ni Mélanie. Acquitté, il eût été mis en liberté, s'il n'était retenu pour une autre cause, suivant la formule consacrée. Il y a dans les annales judiciaires des exemples semblables. Ce qu'est un homme qui a subi ces cruelles épreuves, tout le monde le sait. Heureusement, de ses pouvoirs exorbitants, les magistrats usent plus souvent qu'on ne croit pour sauvegarder l'honneur et la réputation des personnes calomnieusement et méchamment dénoncées. Ils savent que l'intervention directe de la justice impressionne toujours défavorablement l'opinion publique, et ils n'y ont recours que lorsque l'affaire est obscure, lorsque les présomptions sont sérieuses. Dans le cas contraire, le plus souvent ils font une instruction occulte sans même que les intéressés s'en aperçoivent quand il n'y a pas lieu à poursuite. Le cas de Julien était expressément prévu par la loi pénale. L'article 46 du Code d'instruction criminelle, cité ironiquement par le procureur de la République, est formel. La dénonciation d'un crime commis à l'intérieur d'une maison, quand cette dénonciation émane du propriétaire, nécessite une vérification des lieux et une constatation des faits. Les magistrats avaient rempli leur devoir strict. Devaient-ils, pouvaient-ils s'en tenir là? Non, le rapport du médecin expert ne les y autorisait même pas. Ils n'étaient pas assez concluants dans le sens de la mort naturelle. Mais ils étaient libres de leur action judiciaire, laquelle comprend bien des degrés, depuis le mandat de comparution jusqu'au mandat de dépôt, en passant par les mandats d'amener et d'arrêt. Il fut résolu qu'un mandat de comparution pur et simple serait signifié à M. de Mulsey. Cette décision venait à peine d'être prise par les magistrats lorsqu'un agent leur apporta le numéro du jour du petit Marseillais, contenant une dépêche télégraphique ainsi libellée. Le drame du cours des Minimes, Aix, 8 mars 1871. Service particulier du petit Marseillais. C'est un événement dramatique et mystérieux. Tout le monde connaît et estime à Aix Madame Veuve R., femme du monde et notable commerçant, femme d'esprit et femme de cœur. Son activité industrielle est un bonheur pour la ville, dont la population ouvrière n'a pas manqué de travail pendant la cruelle saison d'hiver qui vient de se passer. Son inépuisable charité est un bienfait dont ne se ressentent pas seulement les pauvres et les nécessiteux. Madame Veuve R. avait accueilli un malheureux jeune homme qui se mourait de la poitrine et elle lui faisait aussi douce que possible sa lente agonie. Ce matin, ce jeune homme, M. P., est mort dans des circonstances qui nécessitent l'intervention de la justice. Un monsieur de M., s'étant introduit chez Madame Veuve R., sous un déguisement de colporteur, a eu avec monsieur P. une discussion à la suite de laquelle ce dernier a été trouvé mort. Ce qui rend la situation plus grave encore, c'est que le faux colporteur, dans son trouble, a abandonné sa boîte et ses foulards. La justice est saisie de cette mystérieuse affaire. À demain, des détails. Le Petit Marseillais est le petit journal de la Provence. Il fait à son frère aîné de Paris une concurrence sérieuse. En 1871, les vendeurs avaient l'autorisation de crier dans les rues. Les journaux, ces rudiments de la nourriture intellectuelle, étaient assimilés aux légumes, ces éléments essentiels de la nourriture matérielle. Ceux que leur grandeur n'attachait pas à la librairie profitaient de l'autorisation et se vendaient à un grand nombre d'exemplaires. En conséquence de cette loi économique d'après laquelle toute facilité offerte aux consommateurs augmente la consommation, pour attirer les acheteurs, les vendeurs, des gamins presque tous, annonçaient les articles à sensation. Ce jour-là, l'administration du Petit Marseillais avait expédié à Aix un énorme ballot d'exemplaires et les gamins allaient par les rues, agitant les journaux et criant « Demandez le Petit Marseillais, voyez les détails de l'affaire du cours des Minimes, l'assassinat de M. Préval. » Dans leur ardeur à débiter des exemplaires, les crieurs, qu'on leur eût fait ou non la leçon, accentuaient brutalement des insinuations du correspondant. Tandis qu'ils lisaient et méditaient l'article du journal, le procureur de la République et le juge d'instruction entendirent les cris des porteurs. « Quelle audace !» murmura le procureur, méridional de naissance et de tempérament. Le juge, plus calme, se contenta de dire « Si j'avais conservé le moindre doute, cette manœuvre le ferait disparaître. Attendons-nous à voir la campagne vivement menée. Les grands journaux de Marseille nous arriveront demain et jour suivant, avec des lettres très détaillées. Connaissez-vous le correspondant du Petit Marseillais ?» C'est le petit Germont. Il n'est pas maladroit. Sa dépêche est inattaquable dans sa perfidie. De plus, il a trouvé un moyen ingénieux de faire sa cour. Le télégraphe est décidément une belle invention. Ses confrères doivent enrager de s'être laissés distancer. C'est leur affaire. Quant à nous, nous n'avons pas à nous départir de la ligne de conduite que nous nous sommes tracée. Je lancerai demain le mandat et je fixerai la comparution au jour suivant. Si les magistrats n'avaient pas été émus par l'article du journal, il n'en était pas de même de Julien et de M. de Villeberg, de celui-ci surtout. Très étonné déjà que son ami n'eût pas été inquiété, il était accouru à l'hôtel de la Mule Noire après avoir pris connaissance de la dépêche. Dans sa précipitation, il avait demandé le numéro de la chambre de Julien au lieu de le faire appeler lui-même. Le valet de chambre le conduisit à l'appartement de Mélanie. Il se trouva ainsi en présence de la jeune fille, qui ne laissa pas que de le troubler. Mélanie s'en aperçut ainsi que de son émotion. « Vous pouvez parler librement, monsieur, » dit-elle avec un triste sourire. « Monsieur Julien ne m'a rien caché et je m'attends à tout. » Elle releva la tête fièrement pour ajouter « Mais aussi, je suis prête à tout. Malheur à ceux, quels qu'ils soient, qui le persécutent. J'ai assez courbé le front. » À ce moment, à une voix qui venait de la rue Pontmoreau, se joignit la voix d'un crieur, débouchant dans la rue de l'hôtel. « Demandez le Petit Marseillais, voyez les détails de l'affaire du cours des Minimes, l'assassinat de M. Préval. » Julien pâlit. Mélanie s'élança vers lui et l'embrassa fiévreusement, comme pour empêcher qu'on l'emmenât, puis « Vous avez ce journal, monsieur ?» Très ému par cette franchise de sentiments, par l'aveu et la manifestation de cet amour prêt à la lutte comme au dévouement, M. de Villeberg tendit le journal à la jeune fille. Elle lut la dépêche attentivement, en même temps que Julien la lisait aussi. Mélanie, qui tenait la feuille de papier, l'agitait par un tremblement nerveux. « Quelle infamie » s'écria-t-elle. « Pourquoi donc ne m'arrête-t-on pas ?» dit Julien, frémissant de colère. « Je pourrais du moins... » après avoir démontré l'absurdité de cette accusation, châtier le misérable qui se permet ces odieuses insinuations. « Calme-toi, mon cher ami, » intervint M. de Villeberg. « On veut te perdre. Il est tout naturel que l'on emploie les armes que l'on a contre toi. Examinons froidement la situation. Il y a une dénonciation en règle. La preuve, c'est que les magistrats ont fait une descente sur les lieux et ordonné l'autopsie du cadavre. Tu es cependant en liberté. Pourquoi ? Deux hypothèses sont admissibles. Ou bien la justice qui te fait surveiller, sois-en convaincu, veut attendre que tu te compromettes par une fausse démarche, par une tentative de fuite, ou bien Elle ne te croit pas coupable. Tu ne t'es compromis en rien. Tu n'es pas même allé voir le médecin expert. Si la première hypothèse est vraie, il est possible que l'article du journal précipite l'action de la justice et peut-être seras-tu arrêté avant ce soir. Si au contraire, on ne te croit pas coupable, tu peux n'être appelé devant le juge d'instruction que demain ou après-demain. Les juges d'instruction ont donc le droit de ne pas se conformer à une dénonciation. Parfaitement. De même qu'ils ont le droit de ne pas croire au récit d'un inculpé. Je me suis laissé dire que le premier mouvement est toujours d'arrêter un homme quand il y a contre lui des présomptions, même très vagues, de culpabilité. Cela se fait presque toujours et j'avais cette appréhension quand je te conseillais de fuir. Mais il y a des exceptions. Peut-être en bénéficies-tu. Je t'avoue cependant que j'en serais surpris, car l'instruction n'étant pas commencée contradictoirement, il faudrait que le procureur de la République et le juge eussent l'un et l'autre la conviction de ton innocence et par conséquent de... Mais pardon, mademoiselle, je dois oublier en votre présence quel est l'adversaire de Julien. Mélanie avait l'esprit perdu dans une méditation douloureuse. « Ma mère, » dit-elle d'une voix sombre. Cependant, monsieur de Villeberg n'avait pas droit à son secret tout entier. « Merci de votre discrétion, » reprit-elle. « Je n'oublierai que je suis sa fille, que si j'y suis absolument obligée. Mais alors ?» À ce moment, le gamin qui colportait le journal sortait de l'hôtel où il avait débité bon nombre d'exemplaires. De sa voix aiguë, il criait de nouveau « Demandez le petit Marseillais, voyez les détails de l'affaire du cours des Minimes, l'assassinat de M. Préval. » « Encore ?» gronda Mélanie. « Encore et toujours. » Tant qu'il resta des exemplaires à vendre, la ville fut remplie de ses cris. On ne s'occupait pas d'autre chose, et les curieux allaient sur le cours des Minimes pour voir la maison du crime, ce qui ne manque jamais d'arriver en pareil cas, bien qu'on ne doive rien voir. Le lendemain matin, les obsèques de M. Préval furent l'occasion d'une manifestation imposante. Mme Ripert avait ordonné à tout son personnel d'y assister. Or, l'affluence est contagieuse. 300 ou 400 personnes réunies attirent les curieux en nombre au moins égal. En même temps, les autres journaux de la contrée, le Sémaphore et la Gazette du Midi, de Marseille, le Messager du Midi, de Montpellier, étaient distribués aux abonnés et lus avidement dans les cafés. Chacun de ces journaux, trop grand seigneur pour se faire vendre à la criée, même quand cela est permis, publiait un article plus ou moins détaillé sur l'affaire du cours des Minimes. Tous les récits étaient écrits dans le même esprit. Le lecteur le moins prévenu pouvait s'apercevoir que tous les nouvellistes avaient puisé à la même source et s'étaient inspirés du même sentiment. Il y avait des expressions identiques, surtout quand il s'agissait d'exalter le dévouement charitable de Mme Ripert pour son hôte malade. Rien de nettement articulé nulle part, mais de perfides insinuations. Les magistrats prirent connaissance de ces articles concordants et n'en furent nullement impressionnés. Ils savent avoir la passion de la résistance, comme ils ont la passion de la poursuite. Ils ne s'émurent même pas d'une nouvelle dépêche publiée par le petit Marseillais, arrivée après-midi, de laquelle il résultait que le faux colporteur avait disparu. La phrase était tortueuse, le correspondant donnait à entendre, sans le dire, que la justice avait fermé les yeux pour favoriser cette fuite. À l'heure habituelle, de la signification des actes judiciaires, Julien avait reçu un mandat de comparution pour le lendemain matin. Le mandat n'était pas motivé. M. de Villeberg, qui ne quittait presque plus Julien, l'embrassa avec effusion. « Tu es sauvé, » s'écria-t-il, « on te croit innocent. » Julien et Mélanie passèrent une des meilleures journées à rappeler leurs souvenirs, à sourire à leurs espérances. Cependant, le lendemain matin, en pénétrant dans le palais de justice, en remettant son mandat de comparution au planton de service, en entrant dans le cabinet du juge, Julien était très ému. M. de Villeberg l'avait accompagné. « Du courage !» lui dit-il à l'appel de son nom. « Sois calme. Pense à Mélanie, qui compte les minutes. » Julien venait de franchir le seuil que les innocents mêmes ne repassent pas toujours en liberté.